Je suis intimide. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Laisse-les faire. Ça fait plaisir, puisque ça fait pratiquement 2 ans qu'on te diffuse sur la radio, et je me suis rendu compte qu'en 2 ans, en fait, on t'avait jamais interviewé. Ben non. Alors, Franck, bienvenue sur Stéphane Radio. Merci, puis merci de nous recevoir. Ça fait super plaisir. Ouais. Merci, Sylvain. Alors, tu reviens avec, déjà pour commencer, une nouvelle compo. Tout à fait. Sans logis, on pourrait parler un petit peu. Je sais que derrière, il y a d'autres choses dans les cartons qui vont arriver prochainement. c'est bien. Alors, Sans logis, c'est une chanson, en fait, que tu as. C'est un duo au niveau de la composition, puisque tu as écrit les paroles dessus. Et la musique, c'est Pépé. Magic Pépé, ouais, qui a composé ça. Ah, donc, entre autres, du Tesca Project. Oui, c'est vrai. Voilà. Exactement. Comment ça s'est fait, cette collaboration, vous connaissez bien tous les deux? C'est vrai qu'avec Pépé, on se rencontre très régulièrement sur les scènes ouvertes d'une personne que tu connais aussi, Hervé Pack, on peut le nommer, voilà. Avec qui je tourne régulièrement. Entre autres au Doc et au Cotton Club, sur des scènes ouvertes. Et puis avec Magic Pépé, je l'appelle comme ça maintenant, on se fait énormément plaisir sur scène à chaque fois qu'il vient. Et puis j'ai été pas mal invité par les Tesca Project en tant que guest. Dès que je vais les voir, à chaque fois ils m'appellent sur scène et puis c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir de chanter avec eux. Donc voilà, quoi. Et puis il y a eu un jour où Pépé m'a dit, j'ai de la musique, est-ce que tu pourrais poser des paroles dessus? Et puis il m'a envoyé ça sur Internet. Et puis c'est vrai que dans les 5 minutes qu'on suivit, j'ai écrit un texte qui pour moi correspondait à sa musique, correspondait aux morceaux qu'il m'envoyait, et j'estimais que c'était les paroles qu'il fallait dessus. Et je lui ai présenté, et puis mis en place au fur et à mesure. Voilà. Naturellement. Voilà, donc on l'a travaillé, bien sûr. Hein. C'est une chanson qui te tient à cœur au niveau du texte. Ouais, qui me tient à cœur au niveau du texte et des paroles, et qui me tient à cœur par rapport à ce que je raconte, par rapport à ce qu'on peut ressentir aussi tous les jours dans la rue, et de se dire que c'est pas qu'une partie des gens qui sont dans ce cas-là, et que ça peut arriver à tout le monde, et en très très peu de temps on peut vite prendre une claque et de se retrouver comme ça. Et il me paraissait important de pas toujours avoir une vue de ces gens-là, ou je dirais presque même pas une vue, parce que la plupart du temps on passe devant et on n'en tient pas compte. Et ça me paraissait important d'appuyer un petit peu sur ce cas-là, parce que c'est des gens qui peuvent être respectés. Et voilà, quoi, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de parler de ces gens-là qui ça se trouve, étaient des nobles ou des gens de tous les jours qu'on peut rencontrer dans nos différents métiers, et qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, quoi. Voilà. Alors, bien évidemment, la version qu'on peut entendre sur scène, c'est une version qui est un petit peu épurée, puisque tu es généralement avec un guitariste, que ce soit Magic Pépé, que ce soit Fred, ouais. Également, qui est là souvent pour t'accompagner. Monsieur Hervé Pag, Fred, ouais. Hervé Pag, dont on parlait également. La version, en fait, audio que tu as balancée, elle est un peu plus habillée. C'est un choix aussi de mettre un petit peu de basse derrière. Et puis éventuellement sur d'autres versions, de pouvoir ajouter d'autres instruments. Voilà, alors ça je laisserai plus facilement. Alors c'est voilà, on va faire en parler, ouais, parce que il est timide. Oh, je suis tellement timide et réservé. Mais bon, allez, je vais quand même faire un petit effort. Ouais, c'est quand même plus ton côté à toi. Le but, c'était, comme il y avait déjà un existant avec deux compos, Ouais, et même, on partira. Voilà, on voulait garder aussi le côté épuré, c'est-à-dire pas forcément avec une grosse rythmique de batterie derrière. Là, on a rajouté juste un petit shaker. Et puis, effectivement, il y a un peu plus de guitare, avec voilà, ça s'enflamme un petit peu plus au niveau des grattes. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 pistes à la place d'une seule sur les morceaux initiaux, mais on reste quand même dans quelque chose d'assez épuré d'un point de vue prod, entre guillemets, et pour que justement, si un jour ces morceaux sont amenés à être diffusés ensemble, pourquoi pas sur un support CD, pourquoi que ça dénote pas. Ça, c'est une bonne idée, ça. Tiens, voilà la transition. Ça, c'est une bonne idée, ça. Qui pourra se faire, peut-être Qui sera, bon, effectivement, deux compos déjà qui sont existantes et on partira. Voilà, tout à fait. On connaît très bien sur Stéphane Radio. Merci, merci, ouais, d'ailleurs. Merci de diffuser, c'est super. Sans logis, donc, qui vient d'arriver. Voilà. Ouais, qui est arrivé cette semaine. Une autre compo, on n'en parle pas pour l'instant, qui va arriver très prochainement. Et qui parle qui est aussi énormément d'actualité. Ouais, mais énormément. Presque plus que. Bah, presque plus. Disons que c'est. C'est presque la transition qu'il aurait fallu presque avant. Il aurait presque fallu qu'on la sorte avant parce que c'est à partir de on peut peut-être lâcher le titre. Je ne sais pas. Donc, parce que de toute façon, on l'a déjà interprété ici. Donc c'est le même que vous. D'accord. Et le même que vous, c'est vrai que on l'aurait sorti avant, aurait fait justement la continuité avec le sans logis. Parce que quelque part. Elle a été composée avant, de toute façon. De toute façon, elle a été composée avant, tout à fait. Ouais. Moi, le riff, je l'ai créé en juillet, l'année dernière. J'étais en vacances, puis tout à coup, tiens. Voilà. C'est pas mal, ça. Et sur le même principe, il m'a envoyé la musique, j'ai écrit tout de suite derrière, et voilà, c'était. C'était les paroles qu'il fallait pour cette musique, et c'est vrai que ça c'est super bien enchaîné, quoi. Moi, c'est très long de faire de la musique, mais justement quand les choses se font naturellement, c'est un sacré gain de temps, c'est clair. Ça permet d'avancer quand même. Et j'en suis relativement, même si on aimerait toujours que ça aille encore plus vite, voilà. bien sûr, mais on se rend compte que si on veut bien faire le boulot, il faut prendre le temps, prendre le recul et les bons ingrédients correctement. Tout à fait. Et bon, en tout cas, sans logis, on l'a maintenant sur Stéphane Radio, on va le diffuser souvent. On attend donc, on peut le dire maintenant, le même que vous. Voilà. Et je sais que tu travailles avec d'autres personnes sur d'autres morceaux encore derrière. Voilà, j'ai un ami Ryan qui fait partie des Funky Collectifs, et qui m'a fait un plaisir énorme. Il m'a écrite et composé une chanson en pensant à moi, en se disant que c'était une chanson pour moi. Et c'est clair que quand il m'a donné ça et qu'on l'a chanté une fois chez lui pour voir un peu ce que ça donnerait, c'est tout à fait une chanson qui me correspond. Alors c'est vrai que dans mes chansons, on ne trouve pas obligatoirement, comment dire, mon... J'ai pas un style bien précis. T'as pas une patte à toi. J'ai ma patte au niveau de l'écriture, mais j'ai pas un style bien précis. C'est vrai que t'as ça peut partir. Une signature vocale aussi. Voilà. Oui. J'ai une signature vocale, mais je veux dire au niveau comment on peut pas réellement me ranger dans un style de musique, quoi, parce que ça peut être de la balade, ça peut être des chansons entre parenthèses, je dirais d'amour. On partira. Hein, et puis là où c'est un peu plus sombre, où je parle de choses qui me touchent, tout à fait. Et donc c'est vrai que j'ai pas un style bien particulier, mais on peut me reconnaître par rapport, comme disait Pépé, à ma façon de chanter et à mes paroles, quoi. Ouais. Merci Leslie Fer d'avoir été avec nous. Merci également à Magic Pépé. Merci à Stéphane de nous avoir reçus. Pendant que tu es là, des dates sur le projet Tesca Project. Oui, on fait un concert au Pickwick le 9 avril, tout simplement. Donc le message est passé. Je vous conseille d'aller les voir. Et une date aussi, il y a une très bonne date à retenir, où on va jouer en quintette, parce que là au Pickwick on sera que deux. Mais le 2 juillet sur le circuit automobile de l'OEAC. Ah ouais. Donc ça va être très sympa. C'est en plus pour une œuvre caritative, pour récolter des fonds pour la science par rapport à la maladie de Charcot. Voilà. Et donc il y aura bien sûr le Tesca Project en concert, mais il y aura aussi plein d'animations, des baptêmes en hélicoptère, en montgolfière, en voiture de course, sur le circuit, circuit de cartes et autres. Donc voilà, ça se passe tout ça le week-end du 2 juillet, et nous on jouera le samedi soir du 2 juillet. Laissez faire, on te retrouve un petit peu aussi de temps en temps avec ton tribute à téléphone. Tout à fait, ouais. J'aurai quelques dates à vous communiquer. Alors, par la suite. Dates, ouais. Toutes les infos seront sur le www.stéphlang.com, les pages Facebook Stéphlang Radio et Sylvain sur Stéphlang Radio. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Sylvain. Merci. Merci à toi.